Bonjour ou bonsoir, chers auditrices et auditeurs de la radio-télévision Isanganiro. Bienvenue à l'émission Mosaïque qui axe aujourd'hui sur l'évaluation à mi-parcours du processus électoral. La récente étape a été de déposer les listes des candidats aux élections communales et aux législatives prochaines. Une opération qui a versé de l'encre et de la salive entre la CENI et certains de ses partenaires électoraux, les uns ayant été accusés de n'avoir pas respecté les critères genre et ethnie et d'autres ayant figuré sur des listes de la coalition non conformément au code électoral en vigueur selon toujours la CENI. Quelles sont les appréciations des partenaires électoraux, à savoir les responsables des partis politiques, les responsables des coalitions, les indépendants ainsi que les représentants des associations de la société civile par rapport aux activités déjà réalisées par la Commission électorale nationale indépendante? Quels sont les défis qui en sont responsables? Quels sont les risques si rien ne change? Et quelles sont les voies de solution pour que les résultats des élections prochaines soient raisonnables? Ce sont ces questions qui vont nous guider au cours de cette émission. Et pour y parvenir, nous avons quatre invités. Je suis avec Olivier Nkurunziza, honorable président du parti UPRONA. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, je salue tous les téléspectateurs de la radio-télévision Isanganiro, tous mes collègues ici présents qui nous allons partager cette émission. Et je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup. Nous sommes avec le député Léopold Hakizimana, secrétaire général du parti CNL. Bonjour. Bonjour, messieurs journalistes. Je vous remercie de m'avoir invité dans cette émission. Et je remercie aussi les membres du panel. Et je remercie également toutes les personnes qui vont écouter l'émission. Merci beaucoup. Parmi les invités, il y a aussi Kefani Widi, président du parti Kodebou, secrétaire général et porte-parole de la coalition Burundi Bwagabose. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Merci pour l'invitation. Je saisis cette occasion pour saluer nos collègues avec qui nous allons partager le plateau, mais aussi tous ceux qui vont nous écouter. Je suis également avec Rémi Havzalimana, représentant légal de l'association Maison Lueur d'Espoir. Merci d'être présent dans Mosaïque et bonjour. Merci de l'invitation. Salutations à ceux avec qui nous allons partager le dialogue, mais aussi tous ceux qui nous suivent par la radio et la télé. À la cabine technique, je suis avec Eric Wimana et Jérôme Ndayishimiye. Médard Nyonguru est à la réalisation de ce débat. Évariste Ndikubanyanga, je suis à l'animation. Bonjour et bienvenue dans ce débat de la radio-télévision Isanganiro. Vous préparez conjointement avec le service anglican pour le développement communautaire durable, SADC en sigle. Mosaïque. Ouvrons ce débat par la première question. Quelles sont les appréciations des partenaires électoraux par rapport aux activités déjà réalisées par la CENI dans son processus électoral déjà en cours? Honorable Olivier Nkurunziza, quelles sont vos appréciations, qu'elles soient négatives ou positives? D'abord, au niveau du parti UPRONA, tenant compte du calendrier qui était donné par la CENI, à chaque étape, quand nous essayons d'analyser, on a suivi régulièrement le calendrier. Là où nous sommes aujourd'hui, on a déjà présenté les listes définitives, quel que soit au niveau du conseil communal, mais aussi les listes des députés. Alors, notre appréciation au niveau du parti UPRONA, nous avons vu que la CENI a eu beaucoup de problèmes lors des dépôts des dossiers parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Beaucoup de plaintes, quel que soit au niveau des listes des députés, pas mal de partis politiques ont porté plainte, mais le parti UPRONA n'a pas porté plainte parce que la liste était bien reçue. Mais nous avons porté plainte au niveau du conseil communal. Vous savez, rappelez-vous, quand on a présenté les listes, on avait informé l'opinion nationale et internationale. On a constaté qu'au niveau du parti UPRONA, il y avait une commune qui a été rejetée, commune d'Ogisuru actuelle. Mais pas parce qu'au niveau du parti UPRONA, il n'y avait pas de membres qui étaient là, mais plutôt parce qu'on avait présenté 47, il manquait 3. Alors, le parti UPRONA avait porté plainte pour qu'effectivement, on donne le temps pour donner ces listes qui restaient. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Donc et le temps qui était donné n'était pas suffisant. Mais aussi, il y a d'autres communes qu'on a rejetées par après, la commune de Bururi et la commune de Msongati actuelle, et qui ont été rejetées, tenant compte qu'après avoir vérifié les listes, qu'on a trouvé qu'il y a des personnes qui n'ont pas de l'âge requis demandé, qui ont soit 24 ans. Et au lieu de donner le temps pour réaménager aussi, on a rejeté. Là, nous voyons qu'il y a eu vraiment un comportement. La CENI n'a pas été flexible. Au lieu, effectivement, d'essayer d'aider les partis politiques comme la Cour constitutionnelle l'avait fait et l'avait signalé pour qu'il y ait réaménagement des listes, la CENI a fermé l'oreille et n'a pas accepté. Et cela, c'est vraiment contre la démocratie de la base. On ne voit pas comment les partis politiques vont faire alors que c'est à la base, c'est dans la commune où on a besoin de se développer selon la effectivement redécoupage actuel qui a été annoncé. Et sans tous ces conseillers communaux, vous voyez qu'au niveau de la base, ça ne sera pas du tout facile. Là où ça n'a pas marché, je pense que vous avez rectifié le tir, vous avez réaménagé les listes. Non, on n'a pas réaménagé les listes. Par exemple, au niveau des députés d'autres partis politiques, et nous saluons effectivement cette mesure qui a été prise par la Cour constitutionnelle, ça a sauvé la démocratie au niveau des députés. Mais au niveau, le problème où le bas blesse, c'est au niveau des conseils communaux. Parce que là, qu'est-ce qu'il faut entendre ? La loi prévoit qu'effectivement, les recours, ça se termine au niveau de la CENI. On ne va pas au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, la CENI, au lieu, effectivement, d'appliquer les mesures qui ont été prises par la Cour constitutionnelle pour faciliter aussi d'autres partis politiques pour réaménager les listes au niveau des conseils communaux, ils ont refusé. Malheureusement, ils avaient donné la permission par une lettre qui a été envoyée par le président de la CENI et qui, à la dernière minute, on ne sait pas quelle cause qui a été arrêtée et on n'a pas eu cette chance. Et voilà, jusqu'à maintenant, il y a les grognes et, au niveau des listes du conseil communal et qui n'ont pas été acceptées alors qu'on avait la chance de réaménager les listes. Merci beaucoup. Grogne du côté de l'Iprona, on ne sait pas ce qu'il y en est du côté de la coalition Burundi-Gawos. Kefani Vizi. Merci beaucoup. D'une façon générale, on dirait que la CENI, depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui, c'est une CENI qui roule pour le sein de FDD, et non pas pour les élections libres et transparentes. Ce ne seraient pas des accusations gratuites. Ce ne sont pas gratuites. Nous pouvons avoir des précisions. Expliquez. Parce que, quand par exemple, nous demandons, parce que quand on a constaté que le parti au pouvoir a des listes partout pour les conseils communaux, et qu'on a fait des réclamations pour que d'autres partis politiques puissent avoir le même droit, d'ailleurs facilité par la loi, facilité aussi par l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la CENI n'a pas obtempéré. Et je vous dirais que selon certaines informations, il se pourrait que même au sein du parti au pouvoir, il n'avait pas de liste aussi bien comprise et équilibrée que d'autres partis politiques, mais que pour ce parti-là, on a eu des facilités. Un autre exemple concret, dans la province de Gitega, la CEPI a donné des listes, a donné l'accès aux membres du CNFDD pour aller vérifier les listes d'autres partis politiques. À tel point qu'avant même que les listes soient affichées, il y a les militants, anciens militants du CNFDD qui se sont fait élire sur la coalition Burundi-Gawos, qui sont maintenant menacés et incapables même de rentrer chez eux. Et des réunions sont organisées par les autorités locales pour dire que telle personne ne doit plus continuer à vivre sur cette colline parce qu'il a changé de parti politique. Alors, il y a une CENI indépendante qui ose donner accès à un autre parti politique pour vérifier les listes d'une autre formation politique. Est-ce que vraiment, vous ne direz pas que c'est une CENI qui roule pour le parti au pouvoir? Alors, c'est une CENI qui, dans ses activités, un autre exemple que je donnerai, pour la coalition Burundi bwa bose. Il y a eu rejet de nous avons d'abord étonné au niveau des conseillers communaux. Il y avait une appréciation différente pour les listes. Par exemple, dans la province de Burunga, la CEPI disait dans telle province, nous rejetons tel dossier, mais les autres dossiers sont retenus. Donc, si vous avez 50 dossiers, on disait des dossiers 4 et 10 ne sont pas acceptés, mais les autres sont retenus. Tandis que dans d'autres CEPI, quand même il y a un seul dossier qui n'est pas accepté, on rejette toute la liste. Dossiers, toute là, je parle liste. Pour le cas de Burundi Bravo aussi. Et par étonnement, au niveau des CEPI, on disait voilà, telle personne n'a pas mentionné son ethnie sur le CV. Mais cela ne figure nulle part dans la loi qu'on doit mentionner. On a mentionné l'ethnie sur la liste, mais comme l'ethnie n'apparaît pas sur le CV, il faut rejeter. Alors, Kiriezuma, nous avons fait un recours auprès de la CENI pour tous ces manquements. La CENI, au lieu de nous répondre favorablement ou défavorablement pour nos recours, elle a rejeté. Et les recours et les listes déjà approuvées par les CEPI et sans justification aucune. En ce qui est des listes pour les législatives, la CENI s'est focalisée sur les listes que nous avons présentées, il y a déjà qui ne sont pas de nos membres. Là, nous disons purement et simplement que la CENI n'a pas fait son travail. Parce que quand la CENI devrait faire son travail, elle devrait lire le code électoral. C'était les membres du CNL. Non, écoutez bien. Il y avait des critères, les critères d'éligibilité. On devrait voir si telle personne remplit les critères d'éligibilité. Dans les critères d'éligibilité, on ne parle jamais de son origine politique. Il fallait voir est-ce que son dossier est-il compris. Dans le dossier, on ne demande pas un document qui atteste que telle personne est de notre formation politique ou pas. Alors, comment est-ce que, quand vous avez un dossier où on ne vous demande pas un document qui atteste que telle est d'une formation politique ou pas, ou dans les critères d'éligibilité, on ne le demande pas, la CENI, comment imaginer qu'un candidat X ou Y n'est pas de votre formation politique? Il a fait un travail qui n'est pas le sien. C'est là où je vous ai dit que c'est une CENI qui ne roule pas pour les élections libres et transparentes. C'est une CENI qui roule pour le parti au pouvoir parce que nous étions avertis. Là, je vais vous le dire. Je ne citerai pas les noms. Nous étions avertis en disant si vous mettez telle et telle personne, vos listes ne sont pas acceptées. Il y a même quelqu'un qui nous dit au moins, ne mettez pas telle devant. Mettez-lui au moins derrière, là, on va accepter. Et la CENI atteste cela. Vous direz que c'est une CENI libre? Non. Mais par après, vous avez saisi la Cour constitutionnelle. Laissez d'abord que je termine. Quelque chose encore de très étonnant. La CENI elle-même sortit une lettre bien enregistrée dans le registre de la CENI avec un calendrier à l'appui qu'il faut rectifier ce dossier de conseil communal. Et par après, on amène le dossier au CEPI, on dit on ne connaît pas ce document. On demande à la CENI. Certains nous disent ce document n'est pas authentique. D'autres nous disent que c'était authentique, mais ça a été suspendu. C'était CENI qui n'est pas cohérente, qui ne travaille pas conformément aux normes administratives acceptables. Est-ce que c'est une CENI qui va conduire aux meilleures élections? Non. Alors, quand nous avons saisi la Cour constitutionnelle, là quand même, je dirais que nous sommes à moitié satisfaits. Parce qu'au moins, elle nous donne une opportunité de pouvoir continuer. Mais en nous exigeant encore de retirer les gens qui disent qu'ils sont membres d'une autre formation politique. Moi, je pose la question. Comment vous allez juger que le candidat Minani, par exemple, que nous avons mis sur notre liste, est dans notre formation politique? Est-ce que vous avez demandé, soit à qualité de parti, ou lettre d'acceptation que quelqu'un a entré, comment est-ce que vous allez juger ça? Ce n'est pas normal. Alors, on dit, voilà, telle personne siège déjà au niveau du Parlement et des conseillers communaux au nom de notre formation politique. Oui, même le président de la République a le droit de changer de parti. On ne peut pas interdire à un député, à un conseiller communal, à un ministre de changer un parti politique. La loi sur les partis politiques, elle est muette sur les conditions de quitter un parti vers un autre. Alors, le fait de siéger, c'est vrai. L'article 112 de la Constitution stipule que quand quelqu'un quitte volontairement son parti, il perd son siège à l'Assemblée nationale. Mais là, ils oublient l'alinéa 1 de cet article qui dit que c'est la Cour constitutionnelle qui constate la vacance de poste. Ça veut dire si un député élu au niveau président du CNFDT, si la dera riprona. Il continuera toujours à siéger jusqu'à ce que la cour cautionnaire constate la vacance de poste. Avant ça, parce que le mandat d'un député n'est pas un mandat d'un parti politique, il est un mandat national. Il connaît à siéger au nom de la nation jusqu'à ce que la cour constitutionnelle constate la vacance de poste. Tout ça n'a pas été respecté. C'est là où je vous ai dit que quand la cour constitutionnelle a rendu son arrêt, comme ces arrêts sont non révisibles, quand on n'a pas autre opportunité d'interjeter appel, nous avons été contraints d'accepter, mais sans toutefois accepter tout le contenu de l'arrêt. Ça n'a pas été à contre-cœur. Si ce n'est pas un secret, ils étaient dans quel parti? Un des partis de la coalition. Bon, ça c'est la liste que nous présentons. Écoutez bien, la liste que nous présentons, c'est la liste qui est présentée par la coalition. Okay. Donc on ne va pas dire que c'est un dicotème, non, merci. C'est la coalition. Oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas si honorable Léopold va dire le contraire, mais avant tout cela, comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui le parcours du processus électoral aujourd'hui? Bon, merci beaucoup. Visiblement, la CENI est en train de faire un travail difficile parce qu'elle doit chercher à mettre en application le code électoral, mais aussi le calendrier électoral qu'elle-même s'est assigné. Mais il y a un problème de parcours à la mise en place. Il y a des lacunes. C'est pourquoi moi, j'accuse la CENI peut-être sur l'une des choses, sur le manque de flexibilité, comme mon collègue l'a dit. Et la CENI vraiment s'est montrée rigide par rapport aux partenaires électoraux. Je le dis pourquoi? Parce que vous imaginez, au moins 15 partis politiques ont été obligés de porter plainte à la Cour constitutionnelle. Cela montre que la CENI n'a pas honoré à ses engagements, parce que le travail qu'on a amené à la Cour constitutionnelle, c'était un travail qui devrait être résolu. Le problème devrait être résolu par la CENI, parce que les erreurs ou les fautes que peut-être j'ai pu mentionner, c'était des fautes de forme et non de fond. Vous imaginez si on a présenté 50 dossiers, quand un des dossiers peut-être, ou sur la liste, on n'a pas bien positionné, selon les tenues, tout ça, il fallait appeler les propriétaires des listes pour réaménager. Mais ils ont dit porter à la Cour constitutionnelle. Oui, justement, la CENI vous a accusé de n'avoir pas respecté les critères genre. Si on parle du pourcentage de femmes ou de l'ethnie, tout aussi, c'était OK. Mais le positionnement, on devrait peut-être réaménager uniquement sur le positionnement. Donc, ce n'est pas un problème qui devrait être porté à la Cour constitutionnelle. Ni était peut-être la sagesse de la Cour constitutionnelle. Je vous dirais que le processus électoral serait vraiment foutu, si j'ose le dire. La Cour constitutionnelle a fait un travail de sauvetage. Il a fait un travail de sauvetage. Pourquoi? Parce que si la Cour prenait la position, peut-être si soutenait la CENI, le processus serait vraiment écarté. Vous imaginez 15 partis politiques qui devraient aller à la Cour constitutionnelle. De plus, la Cour constitutionnelle, quand elle a pris ses décisions, je ne dis pas comme m'ont dit mon prédécesseur, vraiment elle a motivé. Elle a motivé les décisions. Moi, j'ai apprécié la motivation de la Cour constitutionnelle. Si je regarde la décision pour la CNL, mais aussi j'étais en cours de la décision pour la coalition Burundi Gabo aussi. Le jugement est vraiment motivé. Vous allez trouver que c'est motivé. Tu peux expliquer pourquoi c'est motivé. Un seul élément. Si la Cour constitutionnelle parle que, par exemple, un individu ne peut pas appartenir à deux partis politiques à la fois, ça c'est clair et net. Supposons un député qui, au moment où M. Kefo est en train d'élaborer les listes, il est en train de siéger pour le compte d'un parti tel, le parti CNL. Ça c'est évident, c'est clair et net qu'il est membre du parti CNL. Ça, c'est pas, on n'a pas besoin de faire des jugements autres. Ça, c'est clair et net. Appartenir sur la liste de la coalition, alors que le parti CNL ne fait pas partie de la coalition, ça c'est même un petit gamin peut trancher à cette affaire. Oui. Ça c'est clair, c'est mon appréciation. S'ils ne font pas partie des organes dirigeants, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas membres du parti CNL. Est-ce que ces députés, ils ont un mandat populaire ou bien ils ont un mandat du parti politique, d'obédience? Ils ont un mandat national, mais tant que le système est burundais, on devient député par la liste bloquée, donnée par un parti politique, vous êtes intimement lié à votre parti politique, intimement lié. Donc ce que disait Kefa n'est pas vrai. Et je ne suis pas de son avis parce que je dirais qu'il fallait peut-être trouver d'autres éléments, mais ce qui est dans député ou dans un membre du conseil communal, je ne suis pas dans la position du juge. On n'a pas besoin de lire des textes et tout ça. Il est clair que ces gens sont encore membres de son parti avec lequel ils se présentent. Je dirais aussi que la CENI a manqué l'occasion. Pourquoi ? Parce que la Cour constitutionnelle, dans le jugement de la Cour constitutionnelle, avait donné une orientation de quoi en faire sur les recours qu'on avait fait, c'est sur les conseils communaux. La Cour constitutionnelle avait mentionné dans son jugement que, par la jurisprudence, la CENI a déjà fait la même chose, a appelé les partis politiques pour corriger les erreurs. Et en plus, la Cour constitutionnelle a dit que si la CENI avait appelé les partis politiques pour corriger les erreurs, la CENI n'aurait pas violé la loi. Ça, c'est une orientation qu'il avait donnée à la CENI pour aller appliquer la même, le même jugement pour le cas des recours des conseils communaux. Par ailleurs, la CENI avait entendu le message parce que la CENI avait sorti une décision du 9 janvier 2025 appelant Mésite de grâce, appelant les partis politiques de s'organiser et de préparer les dossiers pour aller corriger les erreurs en date du 13 au 15. Les partis se sont préparés pour aller corriger, mais arrivé à la CPI, on nous a dit on n'a pas vu cette mesure, on n'a pas vu cette recommandation. Appelé à la CENI, le président de la CENI a dit que pour lui, il a tout à fait normal qu'une décision d'une autorité peut ne pas être appliquée. Donc jusque ça, c'est là... nouveau pour moi. Ça, c'est nouveau pour moi. Pourquoi ? Parce que je sais qu'en administration, l'administration est écrite. Une décision est annulée par une autre. Mais lui, il a dit que lui, il a lu la météo politique. Je ne sais pas, vous pouvez m'aider à expliquer. C'est le climat qui change. C'est la météo politique qui lui a permis d'annuler la décision par l'annulation sans aucun excuse. Alors, je dirais quand même que la CENI a manqué une occasion pour corriger. Sinon, la Cour constitutionnelle a fait son travail, si vous voulez, même. Il a fait un travail qui ne devrait pas être fait par la Cour constitutionnelle. C'est le travail qui devrait être fait. Seulement qu'il y a le principe qui paie le plus, paie le moins. Il a fait son travail qui devrait être fait par la Cour constitutionnelle, par la CENI. Pour me résumer, alors, j'appelle peut-être à la CENI disait toujours de la flexibilité parce que le code électoral le permet. Le code électoral a prévu que dans l'interprétation du code et que vous trouvez des dispositions difficiles à appliquer parce qu'il arrive souvent dans l'interprétation de la loi, la CENI a la possibilité de mettre des textes d'application, les arrêter pour réaménager et rendre la loi plus applicable facilement. C'est ce que la CENI n'a pas fait. Oui, nous avons 4 mois avant les élections. Peut-être que la CENI va se ressaisir. Dans ce débat, nous sommes avec Rémi Havzarimana, représentant légal de la Maison Lueur d'Espoir. Vous venez d'entendre les doléances de ses partenaires électoraux. Qu'est-ce que vous en dites ? Nous sommes dans un processus clair où il y a ping-pong. Comme on le dit en politique, on doit mentir. Les deux à la fois. je dis ça parce que d'abord, s'il faut vraiment faire une évaluation à mi-parcours, comme vous l'avez dit, nous devrions en fait avoir des indicateurs objectivement vérifiables qui ont été tracés bien avant le processus. Et malheureusement, entendre ce qui est en train d'être dit, il est clair que le processus en cours semble avoir des acteurs, des partenaires électoraux de la CENI qui se plaignent que la mise en œuvre de la loi les surprend, comme s'ils n'étaient pas informés de ce qui devrait être fait, parce que ce qu'ils font, on dirait qu'ils le font à tâtons, le faisant étant sûr, mais à un certain moment, ils se rendent compte que l'application leur fait découvrir d'autres éléments dont ils ignoraient avant. Réunion, si la réunion devrait avoir son critère, c'est justement cet échange, mais si vous ne vous convenez pas sur ce que vous devez faire et qu'à la sortie de la réunion, une personne se plaint, c'est que ça n'a pas été une réunion, ça a été peut-être une injonction, une séance d'instruction ou d'injonction. Là, vous comprendrez que les termes changent encore une fois. Alors, à mon niveau, je crois que le problème principal au niveau du processus, c'est le fait que chaque fois, on tend à évaluer le processus électoral lorsqu'il est déjà, nous sommes presque à la veille des élections. Et ça, c'est un manquement qui, personnellement, je trouve qu'il est très sérieux parce que, en principe, les experts dans le secteur disent que les élections commencent lorsque on proclame les résultats des élections. Mmh. C'est-à-dire que là, on commence à se préparer pour les élections futures. Mmh. Alors, pour moi, il aurait fallu faire une sorte d'évaluation juste après les proclamations des résultats des élections de 2020. Avant même que l'on aille dans l'élaboration des textes, d'abord voir l'harmonie entre le code électoral et la Constitution, mm-hmm. après avoir évalué justement le processus passé. Parce que de ce que j'entends, il y a des plaintes qui auraient été corrigées si cela avait été fait juste la veille, plutôt le lendemain des proclamations des résultats. Maintenant, si, comme cela n'a pas eu lieu, il est clair qu'aujourd'hui, la CENI semble jouer le rôle d'arbitre alors que les joueurs se montrent ignorants de la technique de jeu. Et ça déjoue finalement la mise en œuvre. Et il est donc un peu surprenant d'entendre que les partis politiques se plaignent jusqu'à dire que la CENI roule pour le parti au pouvoir. Mmh. Et là, vous comprenez que le risque est très grave d'avoir des élections qui ne soient pas acceptées par tout le monde. Et si le processus est déjà entaché d'irrégularité avant la mise en œuvre, l'inquiétude est très grande. Heureusement, le processus, là où il en est, il y a moyen de rectifier le tir. Je pense que la CENI peut tenir compte de tout ce qui est déjà vu et ce qui est corrigible l'être et finalement essayer d'amoindrir les chocs. C'est d'ailleurs ce que vient de dire honorable Léopold lorsqu'il dit que lorsque ils élisaient la loi électorale, il y a une disposition qui prévoit que si il arrive que la CENI soit bloquée ou trouve difficile la mise en œuvre de cette loi, qu'il lui est permis de produire des arrêts qui vont dans le sens de rendre plus facile et plus flexible la mise en œuvre. Cela éviterait peut-être que les plaintes que j'entends, notamment présenter une liste qui devrait avoir 50 membres et se retrouver à 47 et que toute la liste soit classée sans suite, ou alors vous trouvez que des personnes qui n'atteignent pas l'âge voulu et qui annulent toute la liste au lieu de faire changer ses membres, je trouve qu'il y a des réaménagements qui pourraient faciliter, rendre tout le monde à l'aise, parce que changer les dossiers ou alors compléter ce qui manque, ce n'est pas vraiment ce qui devrait faire à ce que les plaintes aillent plus loin et que les gens continuent à sentir un mécontentement parce que cela n'a pas été fait. Donc, à mon niveau, je crois que les réclamations qui sont en train d'être prononcées quelque part peuvent être corrigées. Et s'ils sont corrigés, je me dis que les conséquences négatives seraient amoindries par rapport aux conséquences positives. Merci beaucoup. Des accusations en accusation contre la CENI. On peut espérer de bonnes élections au mois de juin. Olivier Mourouziz. Pour nous, des accusations que nous faisons aujourd'hui, si c'est la radio, ce n'est pas la première fois. Même dans les réunions que nous avons tenues ensemble avec la CENI, nous avons déjà parlé de ça. Malheureusement, ils nous ont dit que rien ne changera par rapport à leur position. Nous, comme des partis politiques, nous avons vu que peut-être c'est pour nous frustrer, préparer les élections d'une façon difficile, nous avons décidé de continuer. Mais effectivement, comme d'autres l'ont dit, il y a moyen de corriger. Il faut donner la chance, surtout sur les listes des conseils communaux, pour corriger. Autre chose qu'il faut remarquer, qui est très dangereux, c'est qu'après l'affichage des listes, nous constatons qu'effectivement, les rapports que nous recevons de la part de nos représentants dans les différentes communes, ils ont constaté qu'il y a un comportement qui est en train de se manifester par rapport aux membres qui se trouvent, à nos membres qui se trouvent sur les listes, surtout, par exemple, un cas précis, c'est dans la commune d'Ogisagara en province Changuzo, où le parti au pouvoir a tenu une réunion dans les différentes zones et différentes collines. Et on a pris les listes du parti Prona et d'autres partis politiques qui sont affichés. Et dans les réunions, pour moi, ce n'est pas un problème. On affiche les listes pour qu'effectivement, les noms soient connus par tout le monde. Mais là où le bas blesse, c'est que dans les réunions, on lit les noms sur la colline et celui qui représentera la zone de la part du côté du parti Prona. Et on prononce que cette personne, que c'est une personne très dangereuse, qui doit être poursuivie, qui doit être veillée, que cette personne qui se trouve sur la liste du parti Prona ou d'autres partis, qu'effectivement, une fois que vous le verrez en train de parler avec d'autres personnes, que cela doit être suivi par des personnes de près, et cela, ça devient très dangereux. C'est une menace pour une population. Être sur une liste d'un parti politique, où est la faute? Aujourd'hui, c'est pour participer dans les élections. Et on est là, effectivement, pour que la population de votre zone, s'ils choisissent à t'élire, qu'ils t'élisent. Là, vous voyez que ça devient très dangereux. Ça cause de l'insécurité. Kefani Vizi, ce que Olivier vient de dire, on entend des dates qu'il y a une contre-propagande. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de l'espoir avec les élections en cours de préparation? Bon, les élections de 2025, nous l'avons toujours dit, risquent d'être plus mauvaise que toutes les autres élections qui se sont déjà organisées, de par le code électoral verrouillé, de par la CENI qui est composée presque uniquement des membres du parti au pouvoir et de ses adeptes, et de par d'autres faits que nous venons de citer maintenant. D'ailleurs, pour moi, c'était presque la première fois que j'entends qu'on affiche d'abord les candidats 5 mois, 4 mois avant les élections et que je sois intimidé pour ça. Il s'agit donc des élections qui se font dans un climat de mécontentement des partenaires électoraux principaux, je dis les compétiteurs, qui sont en formation politique. Ce sont les élections qui se déroulent dans un climat de méfiance de la population. Je citerai le cas où, pendant l'inscription, les gens avaient refusé d'aller se faire inscrire à telle enseigne que les administratifs ont dû menacer les gens pour se faire inscrire. Et nous entendons qu'ils vont encore les menacer pour aller voter. Donc cela risque de conduire vers une éventualité de refus des résultats des urnes, sous quelle forme, je ne sais pas, mais aussi, en tout état de cause, les dirigeants qui seront issus de ces élections, en tout cas, ne seront pas accepté par toute la population et par voie de conséquence, ils ne vont pas travailler à l'aise pour développer le pays. Ce sont des élections, le processus en soi risque de ne pas gagner la crédibilité des partenaires techniques et financiers de notre pays parce qu'ils exigent effectivement la démocratie, ce qui peut même avoir des incidences sur la coopération en matière économique. Et cela risque de renforcer la pauvreté dans laquelle vit notre pays. Voilà, grosso modo, comment nous voyons l'image de ces élections de 2025. Quelle que soit la forme, la coalition Burundi-Gabo va participer. Bon, nous avons évalué. En tout cas, quand on a refusé nos listes, on avait des options. Ne pas participer ou participer. Mais nous avons évalué. En 2010, les partis politiques de l'opposition ont boycotté les urnes, mais les élections ont eu lieu, les dirigeants ont dirigé, quelle que soit la forme. Donc, en 2015, la même chose, les partis politiques ont boycotté. Le CNFDD est parti avec ses amis, ils ont eu des représentants et qui ont dirigé le pays. Pour le moment, comme nous avons eu cette fenêtre d'avoir au moins les candidats des députés acceptés, nous allons participer. Si la population nous choisit, nous allons changer tout ça. Merci beaucoup Kefani Widzi et le Paul Hakizimana, honorable secrétaire général du parti CNL. le processus continue, malgré les doléances, les inquiétudes et les défis. Qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui dans ces élections de 2025? Nous craignons peut-être que si les choses continuent à évoluer comme ça, sans le dialogue ou la flexibilité de la CENI, les gens vont partir dans les élections avec les esprits et avec une frustration des partenaires principaux, je dis les partis politiques. C'est pourquoi je demande encore une fois que la CENI continue à écouter les partenaires principaux, en l'occurrence les partis politiques, les compétiteurs, pour pouvoir quand même réaménager, peut-être corriger là où il y a eu des malentendus. Et dans ce cas, je crois que l'évolution, le processus peut aller avec de l'espoir. Et ce que je pourrais craindre, c'est effectivement son mécontentement entre les électeurs, ou si vous voulez, entre les partenaires électoraux, parce que chez nous, par exemple, au niveau de la CNL, nous avons perdu 10 communes, non pas parce que nous avons manqué les candidats, mais parce qu'il y a peut-être ce malentendement entre la CPI et la CENI, comme il vient de le dire, dans les dossiers de 50 dossiers, si peut-être on a eu 2 ou 3 dossiers qui manquaient un élément, il fallait nous appeler pour corriger ou pour échanger les dossiers. Ce mécontentement entre de la population, lorsque donc porter des fruits escomptés pour les élections. Sinon, le parti CNL, bien malgré tout ça, continue à se préparer et continue à parler. Je sais que ce que nous sommes en train de dire ici, ce que nous disons dans les réunions, feront de l'influence à la CENI, aux décideurs politiques, pour que quand même il y ait une amélioration, pour que le processus puisse aller plus ou moins acceptable. Mosaïque. Je rappelle à vous qui nous suivez que vous êtes à l'écoute de l'émission Mosaïque portant sur l'évaluation à mi-parcours du processus électoral. Rémi Hazarimana, nous avons 2 choses. Il y a le désintéressement et le courage. Au niveau de la société civile, quelles sont les conséquences si les choses restent ainsi? Des inquiétudes, des lamentations, des accusations claires. On commence à verrouiller l'espace politique. On commence à empêcher les autres membres des partis politiques, comme Olivier Doliprona l'a dit. Je rappelle ici, et tout le monde le sait, que le Burundi s'est positionné et a choisi le multipartisme. Le multipartisme sous-entend justement le jeu équitable des partis politiques vers les élections. Je l'avais déjà dit dans l'introduction que c'est très dommage que souvent on soit amené à évaluer le processus électoral juste la veille des élections, ce qui ne nous permet pas d'avoir une marge de manœuvre de rectifier le tir à temps. Parce que, comme je l'ai dit, le gros de ces plaintes et réclamations résulte soit des zones d'ombre qui se remarquent au niveau de la loi électorale, ou tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une sorte de dialogue franc entre la CENI et ses partenaires électoraux. Alors, les plaintes que nous venons d'entendre émanent des partis politiques. Nous n'avons rien encore entendu de la partie des indépendants. Et si vous lisez justement le code électoral, vous vous rendez compte que ce manquement se fait vraiment remarquer lorsqu'il s'agit des dispositions qui éclaircissent une certaine inégalité entre la compétition des candidats. Oui. Alors, si les partis politiques se plaignent, alors qu'au moins eux, à un certain moment, ils y sont, je dirais, favorisés, privilégiés, imaginez-vous si autour de la table, il y avait un candidat indépendant qui vous relaterait les statistiques qui sont proposées par la loi électorale comme candidat aux élections. Oui, pour avoir un député côté indépendant, tu dois avoir 40%. Alors le député du parti qui est en course électorale doit avoir 2%. Voilà, c'est une façon de dire impossible d'avoir des indépendants dans la course. Même ceux qui s'y présentent... Ils n'ont pas de vocation politique. Ils sont nés le jour de l'élection seulement. Ils sont prématurés. Ça, c'est la réponse des membres des partis politiques. Mais c'est pour dire que ces manquements sont assez sérieux. Parce que s'il faut jeter un coup d'œil ailleurs, nous savons par exemple que le président actuel de la France est entré en politique. S'il faut dire qu'il est né le même jour, mais il a gagné les élections en tant qu'indépendant. Il n'a fait enregistrer sa famille politique que lorsqu'il était déjà élu. Alors, deuxièmement, c'est la considération de ces frustrations au niveau, justement, lorsqu'on est en train de faire la décompte des voix, on ne tient pas compte de ceux qui sont mécontents et qui le manifestent. Parce que des gens qui vont élire, parce que c'est leur droit, et qui n'élisent aucun des candidats. Les statistiques de 2020, les résultats de 2020, j'étais en coup d'œil. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de Burundais n'ont voté aucun parti politique. Une façon de dire, de tous les candidats, je ne vois pas celui qui mérite de me gouverner. Malheureusement, la loi électorale ne dit rien sur ceux qui se positionnent dans ces situations-là. Parce que avec cette frustration qui se remarque au niveau des partis politiques, si ceux qui ne sont pas membres des partis politiques devraient agir de la même, c'est-à-dire que le risque est qu'effectivement, il y ait vraiment moins d'adhésion, moins de flux vers les élections lorsque la date sera là. Et si les gens vont, ils peuvent encore une fois se positionner, dire « je ne vois rien qui m'attire dans aucun parti politique ». Et si nous devrions cette fois-ci évaluer à partir de cela, la loi électorale devrait tenir compte de toutes ces possibilités, se dire s'il advient que une bonne partie de la population se prononce contre les partis politiques, alors, on devrait discuter sur un élément qui aujourd'hui ne fait pas objet de discussion, notamment quel est le contenu des projets politiques et des partis politiques. Qu'est-ce que c'est qui sont en compétition pour diriger le pays présente comme projet politique? Quelles sont les réponses qu'ils apportent par rapport aux problèmes réels de la population? Quelles sont les différences qui viennent ou quelles sont les initiatives qui viennent changer la situation pour que je me dise, tiens, ça vaut la peine que je dise tel parti en défaveur de l'autre. Vous comprenez donc que tout ce qui se fait comme discussion aujourd'hui, ce n'est pas vraiment les problèmes de la population. C'est plutôt le problème de poste. Et c'est une sorte de mauvais départ parce que peut-être, compte tenu de notre histoire récente, nous avons vu que chaque fois que les hommes et femmes politiques se sont réunis pour essayer de trouver des réponses aux questions qui se posent, à un certain moment, on se rend compte que si tel est positionné et qu'il est satisfait, c'est comme si tout le monde était satisfait. Toutes les questions de la population étaient résolues, ce qui est faux. Malheureusement, les textes ont été conçus dans cet esprit-là et on va dans une sorte d'orientation élitiste où, en résolvant l'équilibre entre les partis politiques, les responsables des partis politiques, c'est comme si les questions de la base étaient résolues. Le bras baisse donc lorsqu'il faut se poser la question. Où est la différence entre le projet de société de la CNL par rapport à celui de Burundi Bwabos ou de l'IPRONA pour que je m'apprête à choisir? Parce que élire, c'est ça. La tension est ailleurs. Et vous comprendrez donc que moi qui devrais élire, alors que j'entends seulement des plaintes, je ne connais pas encore ce qu'ils vont me présenter. Qu'est-ce que je vais élire? Celui qui a gagné ou qui a été vaincu au niveau de la Cour constitutionnelle, et ainsi de suite. Parce que jusque-là, peut-être, est-ce qu'on va parler des projets politiques dans les deux semaines qui précèdent les élections? Donc, vous comprenez donc que le fait qu'on évalue vraiment le processus électoral la veille des élections, ça ne nous permet pas d'avoir une grande visibilité de l'essentiel de ce qui devrait définir le processus lui-même. Et nous nous retrouvons obligés d'évaluer partiellement ce qui est fait. Ce qui rebondit le plus, ce sont les plaintes, ce sont les malaises qui s'expriment. Mais en réalité, élire sous-entendrait, j'élis cette personnalité, cette famille politique, parce que derrière il y a les réponses à mes préoccupations. Donc, c'est cette frustration qui risque donc de se prononcer au niveau des élections lorsque plusieurs vont se dire finalement de tout ce qui se raconte dans les partis politiques, il n'y a pas de solution de carburant, il n'y a pas de solution de sucre, il n'y a pas de solution des prix qui montent et ainsi de suite. Finalement, la politique risque d'être élitiste au niveau des postes. Et lesquels postes vont, encore une fois, pérenniser les problèmes de la population. Et là, il est difficile d'évaluer, justement, parce que le problème est mal posé. On est hors-jeu, en d'autres termes. Seulement, il y a de l'espoir, comme vous avez posé la question. Oui, comme vous êtes de la maison de l'espoir. Oui, nous sommes là pour dire que tout est possible. Le changement est toujours possible. C'est-à-dire que la CENI peut se ressaisir. Elle peut prendre en considération tout ce qui est dit et qui est possible, qui est réaménageable. Je ne sais pas ce qui serait vraiment dommageable si, par exemple, on disait toutes les listes qui ont des manquements corrigibles, nous donnons 2 semaines ou 1 semaine. Tant qu'on a encore le temps, je ne sais pas. Et là, je l'ai dit, la disposition de la loi prévoit qu'ils peuvent sortir des notes qui vont dans le sens de faciliter effectivement. Est-ce que cela dérangerait l'IPRONA ou l'UNANI ou je ne sais quel autre parti politique si un candidat est facilité pour qu'il est dans de bonnes conditions pour compétir? Est-ce que la CENI serait mal à l'aise si toutes les listes et toutes les communes étaient complètes? Voilà des questions qui, pour moi, pourraient être résolues. Et si c'était résolu, l'espoir est là. C'est toutes ces frustrations donc, qui, une fois mises ensemble, risquent de donner des résultats qui ne soient pas acceptables par tout le monde. Et la CENI ne sera pas fière de proclamer des résultats qui ne soient pas acceptés par les compétiteurs. Nous sommes dans les dernières minutes, le temps de donner de contributions, des appels au sein de l'IPRONA. Qu'est-ce que vous demanderiez pour la fiabilité de ce parcours des élections en cours? Comme nous l'avons dit et que vous sentez vous-même qu'il y a toujours des grognes, la CENI peut toujours se ressaisir et voir comment donner le temps aux partis politiques qui demandent effectivement tant de réaménager les listes au niveau de la commune. Ça, c'est très important parce que ne pas donner son temps aux partis politiques, c'est tuer la démocratie à la base. Il y a des communes où il y aura un seul parti politique qui va faire la compétition. En d'autres termes, tu as déjà fait les élections avant même les élections, avant la course électorale. C'est-à-dire que les conséquences, c'est-à-dire que la population dans cette commune n'aura pas la chance d'aller élire les membres du conseil communal de leur parti d'origine qui allaient contribuer dans le développement de la dite commune. Et voilà effectivement les conséquences que la commune ne sera pas développée et il y aura un monologue au niveau des conseils communaux. Et en conséquence, vous voyez que la vision 2040-2060 pourrait être atteinte. Ça sera effectivement des miracles. Et au niveau du parti IPRONA, ce que nous demandons, d'abord, il faut qu'effectivement, en d'autres termes, les intimidations que nous observons aujourd'hui sur le terrain cessent. Sinon, cela peut compliquer les élections. Oui, la CENI, par l'article 134, les membres, effectivement, qu'on intimidait pour quitter la liste, la loi les protège, dit qu'une fois il y a la proclamation des listes définitives, on ne peut pas dire qu'on va changer la liste. Ça, c'est la protection, effectivement, de la liste. Mais il faut protéger les membres qui se trouvent sur les listes. Dans l'appel, nous le faisons. Le ministre de l'Intérieur, d'urgence, qui tienne une réunion avec les présidents des partis politiques et les responsables de la base, surtout les chefs de colline, comme nous l'avons dit depuis longtemps. Et les chefs de zone, ce sont eux qui se donnent toujours ces prérogatives d'intimider les membres en provenance de leur zone. Autre chose que nous demandons, comme il y a le temps, il faut que la CENI se prépare effectivement qu'une fois, on va mettre en place les membres des bureaux de vote. Il faut que effectivement les membres du bureau de vote soient en provenance des partis politiques qui se trouvent sur le terrain, qui vont faire la compétition. Il ne faut pas que ça soit effectivement les membres seulement en provenance du parti au pouvoir. Et autre chose, c'est qu'à la fin des élections, effectivement, qu'il y ait la proclamation qui soit conforme à la réalité des urnes. Sinon, en dehors de cela, vous voyez que les contestations pourront survenir d'un moment ou d'un autre. Kefani Bidi, nous sommes dans les petites dernières minutes. Quel est l'appel que vous lancez à tous les partenaires, la CENI Combe ? D'abord à la CENI, comme les autres l'ont dit, je pense qu'il faut toujours donner une occasion aux formations politiques de pouvoir réaménager les listes pour les conseils communaux à se baser sur le code électoral qui autorise la CENI de faire des arrêtés d'élargissement, comme l'a dit honorable Léopold, mais aussi s'il y a effectivement entrave suite au décret présidentiel qui a fixé les délais de dépôt de dossiers de candidature pour les conseils communaux des députés, il serait mieux que la présidente de la République saisisse l'occasion pour donner cette occasion aux formations politiques pour pouvoir réaménager les listes pour les conseils communaux et pour qu'effectivement on participe dans des élections démocratiques. Nous demandions également à la CENI d'être indépendante parce que quand vous avez pris une décision et que vous dites que vous avez lu la météo politique qui n'est pas inscrite dans le code électoral et qu'elle vous empêche d'agir, ça veut dire qu'il y aurait peut-être des pressions, des lectures qu'on ne connaît pas. Donc il faut travailler dans l'indépendance. Mais aussi la CENI devrait améliorer la communication pour qu'à chaque étape qui doit être réalisée, il y ait une entente entre la CENI et ses partenaires, comment cette étape sera exécutée. Je demanderai donc à la population de ne pas céder à la résignation, de rester toujours courageuse, parce que si on ne participe pas aux élections, ou si on vote par abstention, ce que vous dites, celui qui est là, qu'il reste. Donc, il n'y a pas de changement. Il faut aussi que la population sache. Et les élections, la CENI et le gouvernement, ce sont des serviteurs qui sont au service de la population. Et quand votre serviteur ne travaille pas comme vous voulez, vous ne le laissez pas comme ça. Vous saisissez l'affaire. Ça veut dire qu'il faut que la population participe aux élections, veille à ce que les résultats des urnes soient proclamés comme tels, afin que les nouvelles institutions qui seront issues de ces élections puissent finalement faire ce que la population veut. Je terminerai par un appel aux formations politiques de cesser ces actes d'intimidation qui sont perpétrés aux membres qui figurent sur les listes électorales parce qu'ils ne sont pas, ils étaient les vôtres et qui ont quitté, qu'il faut les intimider, qu'il faut les considérer comme des ennemis dans la localité. Là, on va plus loin. Donc, le représentant de la société civile a dit que nous sommes positionnés, nous avons choisi la démocratie. Quand on a choisi la démocratie, on accepte la compétition. Merci. Merci beaucoup, honorable Léopold. Un dernier mot. Quel est l'appel du CNL pour que cette obédience puisse aller dans la campagne électorale tête haute? Et oui, mon appel se base sur deux éléments. Le premier élément, c'est comme mes collègues l'ont déjà dit, je demande vraiment à la CENI de pouvoir se rendre plus flexible pour pouvoir corriger, lire la loi, le code électoral, les lignes et entre les lignes, de trouver un espace pour pouvoir peut-être prendre un arrêté qui va permettre aux partis politiques de pouvoir corriger les listes des conseils communaux. Et les dossiers sont là, il suffit de faire une ouverture. Même si notre collègue a parlé de deux lignes à des semaines, on n'a pas besoin de deux semaines, même si on le fait trois jours. Mais c'est le chef de l'État, de l'État qui doit le faire. C'est que le président de la République veut une élection libre et transparente. Parmi ces élections libres et transparentes, il faut que les compétiteurs participent librement. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit une élection. Je me demande, dans une commune où il y aura un seul parti politique, est-ce qu'on peut parler d'une élection? On peut parler de quoi? C'est autre chose. Il faut choisir entre au moins deux. De l'approbation. Et oui. La deuxième chose, je parle de la protection des électeurs, des listes affichées. Et monsieur le président du parti Prona a parlé de la protection juridique, le code de la prévu. Aussi longtemps que vous êtes, dès que l'affiche est établie, vous n'êtes plus libre de quitter la liste des candidats. C'est déjà confirmé. mais on a besoin aussi d'une protection sociale. Il ne faut pas que quelqu'un qui figure sur la liste soit stigmatisé. Dans un village, aussi une colline, il faut aussi une protection physique. Il y a des gens qui sont marmenés, qui sont battus. Là, j'ai interpellé l'administration, j'ai interpellé aussi les autres formations politiques. Il faut sécuriser les listes, il faut laisser les candidats, ils ont choisi de leur volonté d'appartenir à une terroriste d'un parti politique. C'est leur choix. Mais je dois vous dire que j'insiste sur M. Kefa qui parle que la libre mouvement d'un parti politique à l'autre, si j'entre dans la loi, vous savez, une femme mariée, avant de se marier avec un autre homme, il doit d'abord divorcer. Elle doit d'abord divorcer avec le premier homme. C'est ça, c'est la loi. Même en politique, il faut d'abord divorcer afin de pouvoir se marier pour le deuxième homme. C'est différent. Troisième chose que je voudrais insister sur, il faudra que la CENI, effectivement, se prépare à la mise en place de la loi, au respect strict de la loi, dans le cadre de la mise en place des bureaux de vote. Parce que les bureaux, on parle des bureaux de vote politiquement diversifié d'une façon politique. Il faut insister sur ça. Il faut que les compétiteurs et les partis politiques participent en tant que membres des bureaux de vote. Et en fait, pour terminer, je demande à la CENI, comme les autres l'ont dit, de se préparer à publier des vrais résultats réels, et de pouvoir rechercher des éléments pour pouvoir justifier les résultats, afin que tous les compétiteurs puissent rentrer heureux et convaincu que les résultats présentés sont les vrais. C'est ça. Merci beaucoup, honorable. 30 secondes à Ribiam Saliman. Vous aviez tout dit. Un dernier mot. Oui, j'insisterai sur le fait que quelques comportements risquent de créer une certaine insécurité au niveau des communes ou des villages. Lorsque, par exemple, on entend que ceux qui figurent sur telle liste soient annoncés d'une certaine manière d'avertir qu'il s'agit d'un danger communautaire, juste rappeler à la population que juste après les élections, les voisins resteront toujours des voisins. La vie continue. Exact. Les compétiteurs vont finir leur compétition, mais la vie continue et les voisins doivent rester voisins. Donc, c'est aussi une façon d'interpeller justement les autorités locales, de tenir compte de la multiplicité des membres des partis politiques, mais rester, je dirais, des parents de tout le monde, faire en sorte que la vie des citoyens soit préservée indépendamment des appartenances politiques. Ça, c'est très important parce que sinon, si ça commence de la sorte, avant, 4 mois avant, je me demande ce qui se passera lorsqu'il sera question de 2 jours, 3 jours. Donc, c'est cette interpellation de la sécurité. Merci beaucoup. C'est sur ces appels et contributions de nos invités et qui pourront pousser les échéances électorales prochaines à être transparentes, libres et apaisées que se referme Mosaïque d'aujourd'hui qui vous a été conjointement préparé par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec SADEC, Service Anglican pour le développement communautaire durable. Merci à Olivier Nkurunziza, honorable président du Parti Oprona, d'avoir participé à notre émission. Plutôt, c'est moi qui vous remercie. Et je remercie tous les auditeurs et les téléspectateurs de la radio et télévision et mes collègues ici. Je serai toujours disponible quand vous m'inviterez pour revenir dans cette émission. Merci beaucoup pour cette promesse. Merci à Kefani Vidi, président du Parti Côte d'Ivoire, secrétaire général et porte-parole de la coalition Burundi-Gabon, d'avoir répondu à notre invitation. Bon, je vous remercie encore pour nous avoir invités. Je remercie aussi mes collègues avec qui nous avons partagé le plateau. Je terminerai en rassurant la population que, quoi qu'il neige et qu'il pleuve, la coalition Burundi-Gabon se participera aux élections afin qu'elle puisse échanger tous ses tards à travers le Parlement qui a pris les prérogatives. Merci beaucoup. Merci à l'honorable Léopold Akizimana, secrétaire général du parti CNL. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Bon, c'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi à mes collègues. Je remercie aussi tous les Burundais qui ont écouté notre émission. Et de les rassurer que le parti CNL se prépare à battre campagne sur le territoire national. en vous présentant un programme de campagne qui répond aux préoccupations de la population. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Merci à Rémi Habzalimana, représentant légal de l'association Maison Lueur d'Espoir, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi ceux avec qui nous avons partagé la parole et ceux qui nous suivent de par la télé et la radio, en annonçant encore une fois qu'il y a de l'espoir, que les Burundais ne désespèrent pas, mais qu'ils ce courage d'affronter la situation vaillamment, mais aussi avec la résilience. Merci beaucoup à la cabine technique. J'étais avec Eric Wimana et Jérôme Ndayishimiye. Médard Nyonguru était à la réalisation de ce débat et à l'animation. Vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Merci, chers auditrices, auditeurs, de nous avoir prêté oreille attentive. À la prochaine. Mosaïque.